palais à Péran, c'est pour demain, pour pas à manger. J'ai des gens qui gagnent folie mariée, c'est pas lever, tomber, marcher. C'est pas palais à Péran, c'est pour demain, pour pas à manger. Allons, belle bagaille. Voyez petit tomber crier, mais c'est là pour les divorcer. Non, fin de marié, ça va tailler. C'est là, madame tomber plein. Voyez petit tomber crier, mais c'est là pour les divorcer. Allons, belle bagaille. Allons, belle mariage. Allons, belle bagaille. Belle mariage, c'est belle bagaille. Tout ça le deal. Oui chérie. Final fait manger pour moi. oui chéri. Vini voyez. Oui chéri. Vini voir maman. Oui chéri. Quand t'as soya, ma kilou. Oui chéri. Tout ça deal. Ah oui chéri. Oui. Jodi fi fait oui. Mariage vina fait. Lève tout ça. Moon. Automobile même c'est pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom bourrette cabrette camion basquine oui oui pendant nos abdés filés on vient de chita derrière la vie était à gauche à droite tout le monde s'est battu comme t'as dit l'aile qui vient la rallye réception en fait de moment il y a des bouchons champagne madame a galé une sautille pour galérer à bouler. Alors pas fait voisine sur côté à Weli. Alors pour les voisines, non. Alors il y a tout douette li. Bah voisine, voisine, là. Oh voisine, voisine, voisine, où qu'on est. Et puis vous sortez l'autre défaut encore. C'est filé à filé où, vous valez où. Et pourtant, vous pouvez comprendre des pines. Vous pouvez comprendre ça. Vous petit. Mais pour un film, pour tout bagage ça, vous pouvez cramper. Sous des orteils, vous pouvez arriver à mon côté, gars. Jodi fi fait, oui. Trois mois pas passé, discussion. Mais tu vois, pour c'est déclaté. Mais là, j'ai fini qui déclate, déclate jaune. Oui. Maman, fille, habite pas le web, monsieur. Papa, fille, habite pas le web. Celle, pas le web. Fouelle, pas le web. Même chez notre académie, c'est jamais qu'elle saute. Oui, ils vont l'enlever. Oui. Affaires au clou, même, c'est chaque 5 minutes. La même allée à souffle. Oui, oui. Souffle devant, souffle sous côté, souffle derrière, souffle les moulins, souffle les moules pas là. Avant de marier, pour le préparer. Faut travailler pas bien par eux, c'est pour après, pour sa vie heureux. Monsieur n'a pas ça comme exemple. Avant de marier, pour le préparer. Faut travailler pas bien par eux, c'est pour après.